Bon, Antoine, très bien. On va de toute façon s'en sortir. Car aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Et pas des moindres. Non, on a deux bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai, il y a deux bonnes nouvelles. J'en ai une. Toi, t'en as une aussi? Oui, bien sûr. Mais méga stylé. À Chantemerle. Mais ça, c'est ma bonne nouvelle. Mais oui, mais c'est ça. Ah, bon. Oui, mais je voulais introduire super. Ta bonne nouvelle, qui va bientôt être notre bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Tu pourras faire le bruit de fond, enfin, après. La bonne nouvelle, tu pourras faire une contextualisation. Tu verras. Ah non, bon. C'est juste la bonne nouvelle du jour qui nous est tombée dessus, en fait, hier. C'est qu'à Chantemerle, le premier bébé agneau est né. Et c'est une agnelle. Du coup, elle va pouvoir rester en vie. Mais ce n'est pas tout. Deuxième bonne nouvelle du jour. C'est que je viens de terminer La Voix par ailleurs, ventriloquie, bégaiement et autres accidents. C'est un livre. C'est un livre publié dans la collection Paradoxe par les éditions de Minuit. Et ce livre est à nouveau disponible sur la table de Radio Zine. Pour la modique somme de... C'est à prix libre, à bien plaire. On peut aussi simplement discuter avant de clore le deal et voilà, de créer une nouvelle acquisition.